J'en sais rien de nos voix qui se frôlent. J'en sais rien de nos regards qui se percent. J'en sais rien. J'en sais rien de nos pensées dans l'absence. J'en sais rien des avenirs, des chemins. J'en sais rien. Je sais juste qu'il n'y a rien de plus fou. Il n'y a rien de plus fou que de penser à vous. Et le jour et la nuit, j'en sais rien des lèvres ou de la main. J'en sais rien du baiser de la gifle. J'en sais rien. J'en sais rien des appétits qui reviennent. J'en sais rien des choses qu'on oublie. J'en sais rien. Je sais juste qu'il n'y a rien de plus fou. Il n'y a rien de plus fou que de penser à vous. Et le jour et la nuit.